Allô la Terre, allô la Terre. Ici Radio Montréal. Bonjour et bienvenue à Allô la Terre, ici Radio Montréal en ce 21 juillet 2008. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler eau, encore une fois. On parle souvent d'eau, l'eau, l'air, c'est important hein, pour ces êtres que nous sommes qui vivent sur cette planète. Et si par les chaudes journées d'été, vous voulez aller vous jeter dans un lac, il va vous falloir vous poser la question, la qualité de l'eau dans ce lac est-elle bonne? Vais-je être malade après m'être baigné dans cette eau? Donc, on va parler d'algues bleues. Avec la Fondation, non pas la Fondation Rivière, ça c'est en deuxième partie, mais l'organisme Au Secours. Et je le disais déjà en deuxième partie, on va parler de nouvelles réserves écologiques, le bureau, le BAP finalement, le bureau, ça me revient plus, mais enfin le BAP a proposé en fin de semaine dernière que soient créées 6 nouvelles réserves écologiques. On en parle justement avec la directrice générale de la Fondation Rivière, Anne-Marie Saint-Cerny. Puis, bien entendu, il y a notre chroniqueur habituel qui va nous faire sa chronique rouler à vélo et qui va nous parler vélo drag tour. C'est bien intriguant, je me demande ce que c'est. Et aussi d'un rallye vélo à la fête biopaysanne. Alors restez avec nous, on poursuit dans un instant. Le Bureau d'audience publique en environnement, le BAP, ça m'est revenu. Hein? C'était un petit blanc. Alors, on va commencer par la revue de presse. Tout d'abord, la revue de presse. Un avis favorable malgré les dissensions, je le disais il y a un instant. C'était sur radiocanada.ca le 17 juillet. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, recommande la création de 2 réserves de la biodiversité en Manganie. Le BAP suggère de protéger rapidement et de façon permanente les territoires des buttes du lac aux sauterelles et du massif des lacs Belmont et Magpie. Si le ministère du Développement durable, des parcs, de l'environnement va de l'avant avec la création des 2 aires protégées que je viens de nommer, l'exploitation minière, forestière et hydraulique serait à jamais interdite sur ces territoires. Et il y a aussi 4 réserves dont le BAP a fortement recommandé la création, cette fois-ci en Abitibi. Une usine d'épuration baptisée en l'honneur de Bush. La presse, 19 juillet, les hommes politiques vont et viennent, mais les honneurs publics restent. C'est dans cet esprit que des citoyens de San Francisco ont décidé de lancer une campagne pour souligner le lait du président George W. Bush, nommé une usine de traitement des eaux d'égout en son honneur. Selon le fondateur de la commission, Brian McConnell, il est important d'honorer nos leaders dans un contexte historique significatif. C'est un honneur qui convient très bien au président Bush, dit-il. Dans 10 ou 20 ans, nous serons encore en train de nettoyer les dégâts qu'il a causés. Feux d'artifice, un risque pour la santé, dans la presse du 20 juillet. Ils sont beaux, mais pas écolos. Les feux d'artifice de la Ronde, qui émerveillent plus de 3 millions de spectateurs chaque été et qui rapportent des millions en retombées économiques, ont généré les pics de pollution les plus importants à Montréal depuis 2002. Les valeurs enregistrées sont si élevées qu'elles pourraient aggraver les symptômes des citoyens qui souffrent de maladies respiratoires. Les algues bleues vertes sont de retour dans la baie Missisquoi, la presse, 20 juillet. Le rêve d'un été sans algues bleues vertes vient de s'évanouir dans la baie Missisquoi. Le plan d'eau a pris jeudi la couleur d'une soupe au pois dans le secteur de Phillipsburg, même si le ministère de l'Environnement refuse de confirmer cette information en vertu d'une nouvelle et controversée politique adoptée au printemps. Tout porte à croire que les problèmes y sont repris de plus belle. Dans un instant, justement, on s'intéresse de plus près aux algues bleues et aux nouvelles façons qu'a le ministère de l'Environnement de publier cette information. Cyanobactéries, algues bleues, algues vertes, algues bleues vertes, c'est du pareil au même. Ce sont des algues qui poussent à une vitesse fulgurante et qui étouffent nos lacs en consommant une grande partie de l'oxygène qui s'y trouve. Qu'est-ce qui se passe avec la flore, la faune qui ont ce point d'eau pour habitat? Eh bien, c'est l'étouffement. Et pour la santé des humains qui s'aventurent dans ces mêmes points d'eau, on le sait, il y a des risques, pour ne pas dire des dangers. Mais les algues bleues sont-elles tous toxiques? Tiens, vous pourriez me poser la question. Non, en fait, il faut des analyses en laboratoire pour savoir si des algues bleues ou vertes qui se trouvent dans un point d'eau sont, oui ou non, toxiques. Et autre question que vous pourriez me poser, est-ce qu'il faut toujours une grande quantité de cyanobactéries toxiques dans l'eau d'un lac, par exemple, pour qu'il soit dangereux de s'y baigner? Eh bien, selon Santé Canada, et je cite, « Il est possible qu'une exposition prolongée à des faibles niveaux d'hépatotoxines cyanobactériennes puisse avoir des effets à long terme ou chroniques sur les humains. » Si vous voulez éviter tout risque, si vous voulez savoir exactement comment évolue la santé d'un point d'eau, il est important que vous ayez accès à un maximum d'informations. Bien entendu, que vous sachiez précisément ce qu'il en est. Pour le lac ou la rivière où vous vous proposez d'aller vous tremper les orteils ou le reste du corps. Alors, où trouver le maximum d'informations? Comme l'été dernier, vous allez me répondre, comme l'été dernier, vous allez sur le portail du gouvernement. Ben peut-être que non. J'y suis allé vendredi dernier, le 20, et j'ai voulu consulter la liste des lacs qui étaient affectés par les algues bleues, ou comme le dirait exactement le ministère, puisqu'il y a une liste, mais cette liste porte le nom de « Liste des plans d'eau faisant actuellement l'objet d'une interdiction d'usage due à la présence d'algues bleues ». Et on y retrouve seulement deux seuls plans d'eau à la grandeur du Québec, le lac Saint-Louis à Latuc et le lac Bleu à l'Ange Gardien. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun autre lac au Québec qui est aux prises avec un problème d'algues bleues? Si oui, c'est excellent et le ministère a fait un travail incroyable, épatant, puisque entre l'an dernier et cet été, il y a une pareille différence. Mais attention, la liste, c'est bien la liste des plans d'eau faisant actuellement l'objet d'une interdiction d'usage. Ce sont les mots du ministère et ce sont des lacs où la baignade ou la consommation d'eau pose des dangers indéniables pour la santé humaine, c'est-à-dire des lacs où on a atteint un point critique. Pour les lacs où on n'est pas tout à fait rendu à ce point critique, ben allez donc savoir. Pour ce qui est des lacs où la présence de ces algues menace aussi la santé des écosystèmes, des autres algues, de la flore, de la faune, ben allez donc savoir, encore une fois. Le ministère a fait des choses depuis la crise de l'été dernier. Il a, entre autres, instauré une nouvelle façon de présenter l'information. Nouvelle façon qui déplaît à beaucoup de gens, qui remettent en question les affirmations du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs lorsqu'il affirme, par communiqué de presse, et je cite, « La procédure d'information prévue pour 2008 a d'ailleurs été positivement saluée par les spécialistes universitaires et chercheurs sur cette question au Québec. » Alors, j'en ai parlé de tout ça vendredi dernier avec la vice-présidente de l'organisme Au Secours. Son nom est Martine Ouellette. Et d'ailleurs, Au Secours, Martine Ouellette n'hésite pas à parler de l'omerta des cyanobactéries. J'ai commencé par lui demander, vous avez publié un communiqué de presse il y a 6 semaines disant qu'un premier lac était contaminé aux algues bleu-vert, le lac vert au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, plus rien. Donc, il n'y a aucun autre cas de lac contaminé aux cyanobactéries au Québec? Martine Ouellette. Ben, malheureusement, c'est qu'on n'a plus l'information. Des fois, nous, on réussit à avoir l'information par justement le travail des médias, comme ce que vous faites, quand les gens au niveau local ont l'information, quand des citoyens reçoivent les avis. Mais les avis ne sont plus publiés par le ministère de l'Environnement, comme c'était le cas l'année passée. C'est la nouvelle façon qu'ils ont trouvée pour régler le problème, donc plus d'informations. C'est une nouvelle procédure là qui fait en sorte que l'information ne circule plus. C'est ça. Donc, une nouvelle procédure qui fait en sorte que l'information, tant que c'est une problématique qui est identifiée pour une zone d'un lac, etc., là, à ce moment-là, l'information ne circule pas. Les citoyens peuvent recevoir un avis de la santé publique, donc un autre ministère, mais l'environnement, lui, n'affichera pas ça sur son site. Donc, nous, on a dénoncé beaucoup cette pratique-là. On appelle ça l'omerta des cyanobactéries. On pense que les citoyens sont suffisamment intelligents pour faire la différence entre une problématique qui est identifiée dans un coin, dans une partie d'un lac, et quand le lac complètement est impropre là, à toute activité. Puis c'est important que les citoyens soient prévenus que tranquillement le problème peut s'étendre parce que, premièrement, c'est des questions de santé, puis deuxièmement, aussi les amener à agir. pour leur lac. On parle d'apparaître sur le site, le portail du gouvernement. C'est comme ça que vous dites ça exactement? C'est ça, sur le portail du ministère de l'Environnement, où l'année passée, on avait de l'information au fur et à mesure que des citoyens faisaient des demandes et des demandes d'information, de tests pour les lacs et les résultats de ces tests-là. Donc, on pouvait suivre au fur et à mesure l'évolution. Cette année, on peut plus. Et nous autres, on va chercher l'information via les médias locaux. On a fait un appel à tous aussi, à nos membres, de nous informer lorsqu'ils informent là, le ministère de l'Environnement ou de la Santé publique qui pensent qu'il y a une problématique avec leur lac et qui nous informent aussi lorsqu'ils reçoivent un avis de Santé publique. Mais vous comprendrez que on n'a pas 6 millions de membres à travers le Québec. On aimerait bien ça, mais c'est pas le cas. Donc, on va recevoir de l'information, mais on peut pas être aussi efficace que ce que faisait le gouvernement l'année passée. C'est clairement, on n'a pas du tout les mêmes moyens. Le gouvernement, en agissant ainsi, ne met pas la santé de la population en danger, puisque la direction de la santé publique locale avise les gens s'il y a un potentiel de danger? Ouais. Ben, en fait, je sais pas si j'irais jusque-là. Parce que lorsque vraiment la santé est vraiment menacée, je pense que le ministère, à ce moment-là, va informer le ministère de l'Environnement. Mais vous savez, la petite marge entre vraiment menacée, puis c'est vraiment dangereux, puis ça s'en vient dangereux, c'est ça la zone grise, où avant ça, ils étaient transparents. Ils ne sont plus transparents sur cette zone grise-là. Si moi, par exemple, je décide d'aller faire un tour au lac Massawippi pour aller me baigner, étant de Montréal, je n'ai pas l'information sur le lac Massawippi, à moins que ce soit un stade critique. Est-ce que je pourrais aller me baigner sans savoir que je cours un risque? En tout cas, vous n'êtes pas capable d'évaluer le risque, parce que vous n'avez pas l'information. Donc, c'est sûr qu'en début de saison, les risques sont beaucoup moins grands qu'en fin de saison. Mais vous n'avez pas toute l'information pour pouvoir évaluer le risque. C'est sûr qu'il y a dû y avoir des pressions là, des organismes là, au niveau du tourisme. Je comprends que il y avait la question de dire ben faire peur à la population alors que c'est pas dans un état critique. Mais moi, je pense que la population est suffisamment intelligente pour dire capable de faire les nuances entre un moment donné où vraiment le lac n'est plus baignable et un moment donné où il faut être vigilant. Et c'est ces nuances-là qu'on n'a plus. On sait quand c'est vraiment critique. Là, le ministère de l'Environnement va le mettre sur son site. Mais quand il y a des nuances et les risques, là, ben, on n'a plus cette information-là. Moi, je trouve que c'est dommage parce que on peut pas agir, on peut pas réfléchir. Puis comme citoyen, c'est de l'information qui est disponible au gouvernement. Le gouvernement est là pour nous représenter. On devrait pouvoir avoir accès à ces informations-là. Je ne crois pas du tout à la stratégie de désinformation comme une stratégie de gestion en se disant, ben le gouvernement, on est plus capable que les citoyens de savoir quelle information ils doivent avoir. Donc, nous autres, on va faire le tri. Moi, je ne crois pas à ça, ce genre de stratégie-là. Je pense que le gouvernement doit être transparent, doit donner l'information et que les citoyens sont intelligents quand l'information est présentée correctement pour faire la nuance. Stratégie de désinformation de la part du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des parcs, ce sont des mots forts. Il semblerait que dans ce ministère, on croit qu'on sait mieux que vous et moi, que la population dans l'ensemble. Comment évaluer les risques qui sont reliés au contact avec ces fameuses algues bleues ou vertes ou cyanobactéries? On peut s'interroger, je pense, sur les raisons qui ont poussé le ministère à instaurer cette nouvelle façon de diffuser ou de ne pas diffuser l'information. Est-ce que c'est pour mieux protéger la santé des citoyens, pour mieux protéger la santé des écosystèmes ou encore pour mieux protéger la santé économique de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que vous, à ce que nous, à ce que les citoyens dans l'ensemble sachent tout ce qu'il y a à savoir sur les algues bleu-vert? Permettez l'expression, c'est une façon aussi, pourrait-on imaginer, de noyer le poisson, un poisson qui embêtait grandement le gouvernement l'été dernier. Alors, on va se reposer quelques minutes en écoutant une bien belle musique et on va rester dans l'eau, dans les eaux du ciel qui tombent sur le Brésil à l'automne, soit les eaux de Mars, puisqu'on est dans l'hémisphère sud, donc en Mars, on est à l'automne, les eaux de Mars, Aguas de Março, qui est chantée par, moi, ce que je considère un duo de rêve, Elis Regina et Tom Jobim, mieux connu sous le nom de Antonio Carlos Jobim. Alors, nous vous revenons ensuite avec la fin de l'entrevue de la vice-présidente de l'organisme Au Secours. Elis Regina Tom Jobim, deux géants de la culture brésilienne. Bon, on poursuit donc avec cette deuxième partie d'entrevue. J'ai relancé Martine Ouellet d'Au Secours sur son évaluation de la nouvelle approche du ministère vis-à-vis de la diffusion de l'information. Je lui ai dit, lorsque vous parlez d'omerta, de stratégie, de désinformation, vous y allez fort, c'est gros. Oui, c'est quand même assez gros, effectivement, et c'est tellement gros qu'on a de la misère à croire qu'un gouvernement fasse ça, mais effectivement, ça se fait. Pourtant, on connaît les sources du problème, et le gouvernement, dans son ensemble, ne fait pas ce qu'il faut pour régler le problème. Le gouvernement a fait certains pas, particulièrement à sensibilisation. C'est important de le faire, mais nous, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas suffisant. Parce que si la sensibilisation était suffisante, comme je donne comme exemple souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait des polices sur les autoroutes? Hein? On a juste à sensibiliser les gens qui ne doivent pas dépasser 100 km/h et on ne devrait pas avoir de police sur les autoroutes. Ça nous coûte cher, ça, les polices. Donc, la sensibilisation n'est pas suffisante. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que oui, la sensibilisation, le gouvernement l'a fait, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut faire de la réglementation. Il faut appliquer la réglementation. Et pour appliquer la réglementation, il faut que le gouvernement finance des inspecteurs. Et tant qu'il n'y aura pas et de la réglementation et du financement sur la table, pour nous, c'est pas sérieux. Le problème de surfertilisation des cours d'eau là, par les engrais d'origine agricole, c'est connu, c'est documenté? C'est connu, c'est documenté et ça peut se régler par de la réglementation et du suivi de la réglementation. Et nous, c'est ce qu'on demande, tant au niveau de l'agriculture qu'au niveau des citoyens aussi. Parce qu'un citoyen qui fait tout ce qu'il a à faire pour son bout de terrain, mais l'autre citoyen à côté qui ne le fait pas, ben tous les citoyens vont être affectés à cause du citoyen qui, lui, ne prend pas ses responsabilités. Et en général, quand on a des inspecteurs ou de la police, c'est pour le petit nombre, c'est pas pour le grand nombre, mais il faut faire en sorte que tout le monde respecte ces règlements-là et que tout le monde se sente à l'aise aussi dans son milieu de vie. On commencera pas à demander aux citoyens de se dénoncer entre eux. Ça n'a pas de bon sens comme fonctionnement. Donc, il faut vraiment avoir une réglementation qui est un petit peu plus encadrée que ce qu'on a là actuellement et des inspecteurs qui s'assurent de faire appliquer les réglementations tant au niveau des villégiateurs qu'au niveau de l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est sûr que c'est aussi une source importante de phosphore et d'azote qui sont les nutriments, là, la nourriture des cyanobactéries. Donc, selon vous, la réglementation pour ce qui est de l'agriculture est adéquate? C'est uniquement l'application de cette réglementation qui n'est pas adéquate? Non, la réglementation n'est pas adéquate. On devrait la resserrer un petit peu. Nous, on demande, par exemple, au niveau des berges, là, laisser une zone de 10 à 15 mètres, tant au niveau là, des bandes agricoles que des bandes riveraines. Actuellement, c'est 3 mètres. Mais même le 3 mètres actuellement n'est pas respecté. Donc, on a et à renforcer la réglementation, mais et aussi à la faire appliquer. C'est important de faire appliquer cette réglementation-là. Et actuellement, c'est ferme par ferme qu'on donne la capacité pour le phosphore. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait regarder le milieu récepteur, donc la rivière à côté. Est-ce que la rivière, en fonction de son niveau de phosphore actuellement, est capable d'absorber plusieurs fermes avec du phosphore ou elle n'est déjà plus capable? Une rivière qui a 2-3 fermes par rapport à une rivière qui en a une vingtaine, puis je vous donne des exemples comme ça complètement au hasard, là, ça n'a pas le même impact sur la rivière. Donc, c'est important de considérer le milieu. Et nous, ce qu'on demande, c'est de changer l'approche ferme par ferme pour prendre une approche par bassin versant. Et quand une rivière est saturée, ne peut plus accepter de phosphore sans développer des maladies, parce qu'on peut dire que les cyanobactéries, c'est une maladie des rivières et des lacs, ben, à ce moment-là, on arrête d'autoriser de l'épandage. La réponse à la crise de l'été dernier, qu'est-ce qu'elle était de la part... C'était le plan d'action que la ministre a divulgué là, en septembre passé, qu'on a qualifié, nous, de plan d'inaction du gouvernement. Donc, il y avait une bonne mesure dans ça qui était de d'interdire le phosphate là, dans les détergents à lave-vaisselle. Mais malheureusement, la date d'application est 2010. On comprend pas pourquoi ils n'ont pas mis cette date d'application-là plus tôt, en 2008 ou au plus tard, au début de 2009. On trouve qu'on perd encore du temps. Donc, sinon, c'était des bonnes intentions, de la sensibilisation. C'est correct de faire ça. Il y a eu de l'argent aussi là pour les comités de lac. C'est une bonne chose. Ça rentre encore dans la sensibilisation, mais c'est pas suffisant comme plan d'action. C'est un plan de sensibilisation et non pas un plan pour arrêter là complètement le problème. Ça allait vraiment pas assez loin. Si le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des parcs veut sensibiliser la population, il me semble que pour être bien sensibilisé, il faut être bien informé. Alors, à vous de juger. Alors, on va poursuivre immédiatement tout de suite avec la deuxième partie de la revue de presse gaz à effet de serre. GES, le Québec se fait doubler par la Colombie-Britannique. La presse, 17 juillet, le Québec perd son titre de premier de classe au Canada en matière de lutte contre les changements climatiques, mais il se maintient dans le peloton de tête. La Colombie-Britannique vient de le surpasser grâce à l'adoption de mesures vertes plus musclées, estime la fondation David Suzuki. La production d'éthanol maïs, un immense gaspillage, affirme l'OCDE, la presse, 17 juillet. Produire du carburant pour les voitures avec du maïs coûte cher et comporte au mieux des avantages environnementaux marginaux, affirme l'OCDE qui prône la levée des barrières tarifaires afin de faciliter les échanges d'éthanol à base de canne à sucre. Pour diminuer l'usage de carburants fossiles, il vaut mieux diminuer la consommation et laisser de côté les carburants alternatifs, affirme le rapport rédigé par l'économiste Martin von Lampe. Gore présente un plan pour la survie des États-Unis, la presse, 17 juillet. L'ancien vice-président américain Al Gore, lauréat du prix Nobel de la paix en 2007, a présenté jeudi un plan ambitieux pour que d'ici 10 ans, 100% de la production d'électricité des États-Unis provienne des énergies renouvelables. Il a comparé ce programme à celui lancé par le président John Kennedy pour envoyer un homme sur la Lune. Nous devons maintenant soulever notre nation pour atteindre un nouvel objectif qui changera l'histoire, a-t-il dit. Les provinces restent divisées sur les changements climatiques, finalement, dans la presse du 19 juillet. La lutte contre les changements climatiques divise toujours les provinces. À défaut de s'entendre sur une stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les premiers ministres se sont donnés comme objectif d'accroître de 20% l'efficacité énergétique dans chacune de leurs provinces. D'ailleurs, l'efficacité énergétique est le seul sujet environnemental qui a fait l'unanimité parmi les provinces au cours de la réunion de 3 jours du Conseil de la Fédération. Deux clans s'opposent toujours dans la lutte contre les changements climatiques. D'un côté, 5 provinces, soit le Québec, l'Ontario, le Manitoba, la Colombie-Britannique et l'île du Prince-Édouard, qui militent en faveur de l'instauration d'un système de quotas et d'échange de droits d'émission de GES, ce qu'on appelle en anglais le « cap and trade ». D'un autre côté, 5 autres provinces, dont l'Alberta, la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse, qui s'y opposent farouchement. Alors, restez avec nous, c'est la fin de la revue de presse gaz à effet de serre, réchauffement climatique. Restez avec nous dans un instant, la deuxième partie de l'émission. Alors, on va parler de ces nouvelles réserves écologiques. Et il y a aussi notre copain Dominique Kraté qui va nous faire sa chronique rouler à vélo. Ce mardi, vous avez beaucoup à gagner au 8 sur 8. Procurez-vous la combinaison gagnante dès aujourd'hui. Le 8 sur 8 est une façon de découvrir votre portrait de joueur à l'aide de questions et de conseils. En voici un. L'envie de jouer se présente? Il vaut mieux prendre le temps de se demander si le moment est bien choisi et si le budget le permet. Si l'on est incapable de passer son tour, il est temps de se questionner sur ses comportements au jeu. Procurez-vous le dépliant 8 sur 8 à 8sur8.com. Une initiative de la Fondation Mise sur toi. Tu reviens du dépanneur en auto, ben voyant, pourquoi pas l'avion? Ouais, c'est raisonnable, lâche ta voiture, tu pollues. Les gaz à effet de serre, là, c'est à cause du monde comme toi, tout seul dans ton auto, t'encombres les routes. Pourquoi t'embarques pas quelqu'un de temps en temps? Et puis ça te coûte cher, 9000 piastres par année en moyenne par automobiliste, pas surprenant que t'aies jamais une scène. Puis as-tu pensé à ta santé? C'est pas à force de freiner des bouchons de circulation que tu vas te faire des jambes. Marche, pédale, partage, prends le taxi, le train... Tanné des sermons? Ben faites de quoi? Chaque geste posé aide à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Vous ne serez pas les seuls à faire un effort. Par exemple, l'Agence métropolitaine de transport opère 5 lignes de train de banlieue, 15 terminus et 85 km de voies réservées. La Ville de Montréal, elle, avec son plan de transport, mise sur un usage accru du transport en commun et des transports actifs. Et Commune Auto vous propose l'autopartage, qui donne accès à l'auto selon vos besoins, pour une demi-heure, une heure ou à la journée. modérez vos transports. Faites-le pour la planète, mais surtout, faites-le pour vous. Un message de Radio Montréal en collaboration avec l'Agence métropolitaine de transport, la Ville de Montréal et Communauto. Radio Montréal. Rebienvenue à Allô la Terre, ici Radio Montréal, Nicolas Gendron au micro. Donc, je vous le disais il y a un instant, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler de réserves écologiques. Le pourcentage du territoire du Québec qui est protégé est trop faible, tout le monde le dit. Le gouvernement doit agir. Alors, vers la fin de la semaine dernière, en fait, les 16 et 17 juillet, il y a deux communiqués de presse qui ont été émis, communiqué de presse du BAP, du Bureau d'audience publique sur l'environnement, qui recommandait la création de nouvelles réserves de biodiversité, 6 en fait. Alors, on va en discuter avec la directrice générale de la Fondation Rivière, Anne-Marie Saint-Cerny, qui est au bout du fil. Bonjour, Anne-Marie Saint-Cerny. Bonjour, Monsieur Gendron. Donc, bonne nouvelle pour le Québec dans son ensemble que ces deux rapports du BAP qui sont tombés vers la fin de la semaine dernière. Excellente nouvelle pour le Québec. Maintenant, ce qui serait une meilleure nouvelle, ce serait que le gouvernement agisse immédiatement pour effectivement décréter que ces réserves-là demandées par le BAP soient créées. Soient décrétées, effectivement. Est-ce que ça arrive fréquemment là que lorsque le BAP recommande la création d'une réserve comme ça, que le gouvernement n'agisse pas ou refuse de le faire? Oh, vous savez, le nombre de rapports du BAP qui recommandaient de ne pas faire un projet, j'ai en tête le projet Magnolia, par exemple, qui a fermé au bout de 2 ans, et pourtant le gouvernement du Québec va de l'avant. En fait, je connais très peu, malheureusement, dans les récentes années, de rapports du BAP qui ont réussi à empêcher un projet qui, malheureusement, n'était pas un bon projet, et souvent l'avenir a prouvé que c'était le cas. Donc, dans ce cas-ci, on espère que le gouvernement va effectivement agir rapidement parce que ça faisait partie d'une de ses promesses électorales de monter le niveau des aires protégées rapidement au Québec. On vise 6, même 8 % Pardon? On vise 6, même 8 % du territoire québécois. C'est très, très peu. Vous savez, c'est une problématique qui n'est pas seulement environnementale, mais c'est une problématique économique aussi. De plus en plus, on le voit, puis la crise des algues bleues en est un excellent exemple. Les aspects environnementaux maintenant touchent l'économie directement de plein fouet. Cet été, au Québec, il y a des problèmes au niveau du tourisme, où les gens annulent leurs vacances dans les lacs. De la même façon, au niveau de la forêt, on est tous conscients que la forêt a été dévastée, la forêt boréale, et c'est pour ça que ces réserves-là sont une excellente nouvelle si on pouvait le faire, parce que au bout du compte, lorsqu'on ne protège pas, on se retrouve avec une industrie morte. Ça s'est passé pour les pêcheries, ça s'est passé pour les morues, ça se passe pour la forêt. Alors, c'est une nécessité environnementale, mais c'est une nécessité de survie économique également, et il est temps qu'on commence à s'en rendre compte. Mais ça prend par contre une vue à plus long terme pour accepter cette réalité dont vous parlez. Effectivement, Al Gore disait dans une fameuse phrase que ce qu'il faut pour les changements climatiques n'est pas un gouvernement qui voudrait le faire parce que ça apporte pas des votes. Et effectivement, il faut voir à long terme, mais malheureusement, les termes politiques à l'heure actuelle sont 1 an parce que ce sont des gouvernements minoritaires. Mais ne serait-ce que de voir à long terme sur 10 ans, de reconstruire la forêt boréale, de reconstruire la santé de nos cours d'eau, c'est une nécessité économique et environnementale pour la survie du Québec. On va commencer par l'annonce de jeudi 16 juillet. Donc, ce qu'on a annoncé, c'est on recommande au gouvernement de créer deux réserves de la biodiversité. Une au but du lac aux Sauterelles et une autre au massif des lacs Belmont et Magpie. Exact. Et on en a déjà parlé de la rivière Magpie, hein? Exact. La Fondation Rivière s'est battue il y a quelques années pour empêcher une petite centrale privée de se construire en aval de la rivière. Et on s'est battu comme des démons et on n'a jamais réussi à l'empêcher. Le promoteur privé qui a ça a des vues pour faire d'autres barrages sur la rivière. Et heureusement, le rapport du BAP recommande qu'il n'y ait plus aucun développement hydraulique sur la côte nord. Donc, il y a déjà un barrage sur la Magpie. On pouvait lire, là, le 24 août 2005, Québec donne le feu vert au projet de la rivière Magpie et autorise la construction d'une petite centrale à la société Hydroméga. Donc, ce barrage, il existe. Ce barrage, il existe et c'est un drame. Sur la côte nord, il n'y a à peu près plus de rivières vierges qui coulent vers l'estuaire, ce qui met en péril la qualité de la nourriture des mammifères marins, notamment dans l'estuaire. Ces barrages privés, Hydroméga, c'est-à-dire qu'essentiellement le profit va dans les poches d'un promoteur privé. Donc, le Québec 0 et le promoteur privé 10 dans ce cadre-là, parce que ça n'apporte ni emploi, ni revenus, ni rien de bon pour la société, sauf que ça détruit une rivière qui est essentielle. Alors, je suis très contente que le BAP ait recommandé effectivement qu'il n'y ait plus aucun développement hydraulique sur cette rivière-là. Donc, si, je dis bien si, le gouvernement crée ses réserves, on considère qu'il n'y a plus aucun développement économique hydroélectrique, quel qu'il soit. Ah, il peut y avoir du développement économique. Économique dans le sens, oui, mais pas dans le sens au détriment de l'environnement, des écosystèmes, de la nature, des paysages. Effectivement. Et ça va être une bonne nouvelle pour la Côte-Nord. Quand je suis allée sur la Côte-Nord, très souvent, on me disait que si on met un barrage sur une rivière, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Quand on regarde une carte de la Côte-Nord, on se rend compte que avec le nouveau projet de la Romaine qui est gigantesque et qui sera dévastateur, on se rend compte qu'il y a à peu près plus de rivières qui sont pas harnachées par des petits ou des gros barrages. Essentiellement, on est à près de détruire toutes nos grandes rivières. Et c'est une chaîne, hein? Si on les détruit, ça affecte l'estuaire, ça affecte la forêt, ça affecte la faune et ça affecte obligatoirement l'économie d'une région. L'erreur que j'ai faite en disant plus de développement économique, bon, c'était une erreur, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais il y a pourtant des gens qui pensent ça. Et il y a d'ailleurs le maire de Blanc-Sablon, M. Jonca, qui dit, Armand Jonca, qui dit que pour lui, c'est de la foutaise, cette protection, parce qu'il a peur que ça étouffe le développement économique de sa région. Le BAP dit bien qu'effectivement, il y a eu un mauvais travail d'information auprès de certaines communautés. Et je pense qu'il y a une bonne partie du problème des gens de Blanc-Sablon qui est lié à ce manque d'information-là. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que effectivement, de détruire... on est rendu à un point de cassure. Alors, oui, le point où on doit exploiter les ressources naturelles et où on doit arrêter de le faire ou le faire dans le plus grand respect de la possibilité de la planète de supporter ce développement-là, on est rendu là. Alors, c'est dommage et ça va demander un réalignement dans certains cas, effectivement, des communautés au niveau économique, mais en même temps, c'est le défi du 21e siècle de se réajuster pour pouvoir exploiter les ressources de telle sorte qu'elles soient durables. Parce que l'exemple de la morue est un exemple parfait, et la forêt aussi. À partir du moment où on épuise totalement une ressource, la morue a disparu à 99% de l'estuaire, on a tué une industrie, on a créé du chômage, et ça ne se relève plus. Donc, il faut obligatoirement se réaligner de telle sorte qu'on puisse survivre à long terme pour plusieurs générations, avec les ressources qu'on a. Elles ne sont pas inépuisables. Il y a certaines anciennes mentalités, hein, je me souviens, on entendait... on entend toujours, d'ailleurs, quand le béton va, tout va, quand la construction va, tout va. Donc, il y a des gens qui pensent qu'un barrage, ça, c'est de l'argent, mais du tourisme, ça n'est pas aussi sonnant, trébuchant en termes de deniers. On va quitter la Haute-Côte-Nord, on va se rendre plutôt du côté de l'Abitibi. Donc, là aussi, là, c'est quatre nouvelles réserves qu'on se propose de créer. Oui, encore là, ça s'inscrit dans toute la problématique de protection de la forêt boréale, ce qui, la commission Coulomb a clairement démontré que, encore là, on était rendu à un point de cassure et qu'il est important de préserver ce qui reste, parce que c'est à partir de ça qu'on peut régénérer la forêt. Et on sait que l'Abitibi, je pense que l'erreur boréale l'a bien démontré, on a des rideaux d'arbres, mais au niveau des forêts comme telles, il commence à y avoir un problème très sérieux. Même chose dans le secteur, par exemple, du lac des 15, il y a énormément de petites hydrauliques privées qui commencent à causer beaucoup de problèmes. L'Abitibi aussi est une zone assez sinistrée au niveau forêt, bien entendu, mais au niveau hydraulique et hydrique, parce il y a les mines, il y a beaucoup de mines qui polluent de façon exceptionnelle. Les mines, c'est des polluants toxiques très forts. Il y a de la petite hydraulique qui ont harnaché plusieurs rivières. Il y a deux semaines, par exemple, une série de barrages a commencé à céder, menaçant le village de Winnoway, qui est tout près d'une des réserves projetées, qui est le lac des 15. Et on se rend compte qu'on a fait des actions qui commencent à être de plus en plus néfastes et commencent à menacer la population. Donc, c'est important qu'on protège, qu'on arrête de développer à tout va, surtout quand ce sont des développements qui n'apportent qu'un peu d'argent à des promoteurs, beaucoup d'argent à des promoteurs privés, mais strictement rien aux communautés autour, sauf des problèmes. La communauté de Winnoway, tout près du lac des 15, en est un excellent exemple. Ils n'ont que des problèmes avec les petites hydrauliques privées. Ils se font inonder sans arrêt et ils n'en tirent aucun bénéfice. Alors, c'est du développement du capitalisme sauvage. Et c'est le reste de la population qui a subi les conséquences de ça. Et ça doit s'arrêter. On va nommer les projets de réserve qui ont été identifiés par le BAP. Il y a le lac des 15 dont vous parliez, le lac Opasatika, la forêt Piché-le-Moine et le réservoir de sel en Abitibi-Témiscamingue. Et pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du BAP, du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Vous allez voir les communiqués de presse qui contiennent toute l'information. Alors, Anne-Marie Saint-Cerny, directrice générale de la Fondation Rivière, merci beaucoup. Merci. Flottez, promenez nonchalant, arrêtez vos montres, arrêtez vos montres. C'était Morane et Véronique Sanson. Véronique Sanson qui va être chez nous bientôt puisqu'elle va donner un spectacle à la Place des Arts dans le cadre des francopholies, de la francophonie. Bonjour Dominique Kraté. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Très bien, vous? Très bien. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler, vous commencez par vos actualités cyclistes. Oui, je vais vous parler d'un sondage, mais avant, je vais vous parler de rallye vélo, de vélo drag tour, et je commence avec la journée parking qui aura lieu le vendredi 25 juillet. Une journée parking, ça consiste à occuper un espace de stationnement pendant une certaine période de temps, autrement qu'avec une voiture. Avec un vélo. Oui, par exemple. Donc, les citoyens transforment l'espace en un lieu convivial pour relaxer en pleine ville et discuter de l'omniprésence de l'automobile dans le paysage urbain. On en profite aussi pour se poser des questions comme « Pourrait-on avoir plus de verdure dans nos rues et plus d'espace pour circuler à pied ou à vélo ?» si le nombre de véhicules motorisés était réduit. On ne va pas faire des petits trous dans l'asphalte pour planter des petites fleurs, toujours? J'espère que non, parce que pour les vélos aussi, ce serait un petit peu dangereux et dommage pour les fleurs. Donc, chaque citoyen peut se lever et a le droit de dire son opinion sur l'aménagement urbain dans nos villes. Il ne faut pas l'oublier, la journée parking, c'est une de ces occasions où on peut parler, discuter et le tout dans un espace où on n'a pas l'habitude de le faire. On n'a pas le droit d'amener sa petite bouteille de vin, malheureusement. Je ne croirais pas, non, mais on va servir de la limonade. Ah! Donc, il n'y a pas de problème côté boisson non alcoolisée. Donc, amenez vos jeux de société, venez rattraper vos retards de lecture ou regardez les automobilistes vous lancer des regards qui devraient être chargés d'émotions variées. On appelle ça des couteaux dans les yeux, des fusils dans les yeux. Peut-être. Donc, peut-être de l'envie. Sait-on jamais. Une journée de parking, c'est donc l'heure d'occuper une place de stationnement. Ça se déroule le vendredi 25 juillet 2008 de 9h à 19h au coin des rues Mont-Royal et Saint-Denis. Pour plus de détails, on visite le site montrealavelo.org et ce vendredi-là, ça va être la même journée que la masse critique de juillet. Donc, j'avais parlé de la masse critique de juin il y a quelques semaines, cet événement cycliste où il y a quelques dizaines ou même une centaine de cyclistes qui se déplacent dans la ville. Donc, on s'attend à ce que la masse critique s'arrête près de l'espace de parking pour boire une petite limonade, justement, en toute quiétude, en occupant une bonne partie de la rue. Je vous parle maintenant de cette activité qui a piqué votre curiosité en début d'émission, le vélo drag tour. C'est la drag queen Tracy Trash qui vous invite tous les dimanches à 14h au parc Amherst dans le village pour une visite cycliste d'un quartier de la ville. Donc, à chaque semaine, on propose une destination colorée avec un thème associé. Ce sont des randonnées de 2 heures où vous aurez l'occasion de voir la ville comme vous ne l'avez encore jamais vue, c'est-à-dire par la lorgnette d'une drag queen unique en son genre et dotée d'un sens de l'humour décrit comme étant aussi décapant que spontané. Ça promet. C'est au Parc Amherst, vous avez dit? Au Parc Amherst, qui est situé sur la rue Sainte-Catherine, au coin de la rue Amherst. Donc, un tout petit parc, et ça sert tout simplement de point de départ pour la randonnée. Et c'est à quelle heure? C'est à 14 heures, ça dure 2 heures, donc de 14 heures à 16 heures. Et il y a plusieurs destinations. Donc, parmi celles qui restent pour cet été, il y a le Vieux-Montréal, le Parc La Fontaine, le Tam-Tam du Mont-Royal, le Quartier Chinois, le Quartier International et la Basilique Notre-Dame. Et il y a des thèmes qui y sont associés. On parle de Nouvelle-France, de sport, de Asie mon amour, femme d'affaires et bonne sœur. Donc, il y a des liens assez faciles à faire avec certaines destinations. Je vous laisse faire les associations d'ailleurs. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est de vous rendre au Parc Amherst et le dimanche, un petit peu avant 14 heures, pour être prêt pour le départ. Et ces départs, justement, se poursuivent jusqu'au 31 août, donc jusqu'à la fin de l'été. Et comme il n'y a pas encore de vélo en libre-service à Montréal, si jamais vous n'avez pas de vélo, il y a une boutique qui vous propose pour 14 $ de vous louer un vélo pour ces 2 heures-là au 1269 rue Amherst. Pour plus de détails, on visite le site airlibre.com, A-I-R-E-S, libre avec un S.com. Je vous parle maintenant du rallye à la fête Biopaysanne 2008. C'est au mois d'août, je suis un petit peu d'avance, mais bon, il faut se préparer, car le 8, 9 et 10 août aura lieu sur le site de l'ATOU, la fête Biopaysanne, qui va célébrer cette année son 5e anniversaire. Mieux d'avance qu'en retard, hein? Effectivement, il faut toujours être bien préparé. On le présente, cet événement, comme étant le plus grand événement biologique et environnemental au Canada. C'est un rendez-vous pour les amateurs de bonne bouffe et les gens préoccupés par l'environnement. Il y aura une centaine de kiosques divisés en 2 pôles, la Maison Verte et le Marché Bio. Plusieurs activités sont prévues, dont une mettant en vedette la bicyclette. Il s'agit du rallye vélo. En quoi ça consiste? On vous invite à venir tester vos connaissances environnementales sur la piste cyclable du complexe environnemental de Saint-Michel. Tout au long du parcours, il y a des équipes de 2 à 5 participants qui devront résoudre des énigmes. On parle de le jeu des matières, le jeu de la cartographie, le jeu du drapeau et du tri, le jeu de l'aéronautique en papier et le jeu 3RV. Les équipes seront évaluées selon leur réussite aux épreuves et non selon leur rapidité, donc il n'y a pas de stress, on prend son temps et on s'amuse. L'âge recommandé, c'est de 8 ans et plus, les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. On prévoit un minimum de 2 heures pour l'activité. Et l'inscription a lieu tout simplement le jour même de l'événement, à 9h30, le samedi 9 août, et l'activité débute à 10h. On visite le site tohu.ca pour plus de détails. Oui. Je vous parle maintenant du sondage qui a été mené pendant le mois de juin. Je suis un petit peu en retard, mais je vais y arriver. Donc, des fois, vous êtes en retard, des fois, vous êtes en avance. Eh oui. Donc, je continue avec mon retard avec le sondage de juin qui a été publié sur le site roulavélo.com. Les résultats sont compilés, sont arrivés. Donc, 100% des répondants habitent Montréal. Ils sont dans une proportion de 2/3 des hommes. J'ai posé 10 questions et voici quelques-unes des réponses. Donc, j'ai demandé aux gens depuis combien d'années circulaient à vélo à Montréal. La moyenne est de 11,2 années. Il y a une personne qui circule depuis 2 ans seulement dans la métropole, alors qu'il y a une personne qui circule depuis 40 ans. Donc, elle a dû avoir des changements quand même dans la ville, cette personne. Peut-être qu'il y avait certaines routes qui étaient très belles il y a 40 ans et qui maintenant devraient être faites. Il y a 40 ans, c'était pas mal le tout à l'auto. Hein? C'était la fin des années 60 et c'était des grosses autos qui polluaient. C'était courageux de circuler à vélo dans ce temps-là. Les gens débutent leur saison de vélo, surtout à la mi-avril, et rangent leur vélo au début du mois de novembre. Le kilométrage moyen par semaine, ça m'a impressionné quand même, parce que c'est de 75,4 km. Donc, surtout pour faire, on parle de vélo utilitaire, là, pour faire les courses et pour aller au travail. La personne qui en fait le moins, c'est seulement 6 km, et la personne qui en fait le plus, on parle de 250 km à chaque semaine. C'est quelqu'un d'en forme, ça? Ça fait un été chargé en vélo. Justement, il y a 65% des gens qui utilisent leur vélo pour se rendre au travail. Et quand on parle de l'état des routes au Québec... Vous voulez parler de l'état des trous, là? Peut-être, oui, accompagné de routes. Donc, il y a 0% des gens qui trouvent l'état de ces routes excellent ou très bon. Il y a quand même 59% qui jugent qu'il est bon. Et puis, 23,5% jugent qu'il est mauvais et encore un petit peu moins qui jugent qu'il est carrément dangereux. Parce que quand on est en auto, les trous, c'est embêtant, mais quand on est en vélo, c'est très embêtant. Oui, et c'est dangereux et ça cause des maux d'eau et des maux de tête à l'occasion si ça ne nous fait pas tomber. Ou comme on dit couramment, des débarques. C'est ça, c'est en plein ça. Il y a une personne qui a ajouté aussi toutes ses réponses à la question. J'avais pas pensé de mettre cette option-là parce qu'effectivement, la qualité des routes varie beaucoup d'un coin à l'autre de la ville. Et je termine en vous disant que la moyenne de ces vélos que les gens ont achetés était de 343 $, ce qui est quand même assez élevé, c'est surprenant. Je conseille à personne de circuler avec un vélo qui vaut trop cher dans les rues de Montréal. Parce qu'il va se l'esquinter rapidement. Oui, il va partir plus vite que le cycliste. Ah oui! Alors merci beaucoup Dominique Raté, je vous invite à écouter Jeanne Moreau. Vous connaissez sûrement Jeanne Moreau. Bien sûr. Jeanne Moreau qui n'est fille de personne. Je ne suis fille de personne, je ne suis d'aucun pays. Je me réclame des hommes, aimant la terre comme un fruit, aimant la terre comme un fruit. C'est bien de finir une émission tout en douceur et je vois la journaliste qui va faire le bulletin dans un instant, qui volait dans le studio. C'était vraiment super. Alors, bonjour Dominique Raté. Dites-nous donc ce qu'on peut faire là dans les heures et les jours qui viennent. Justement, David contre Goliath, la première chose, vous m'intriguez encore. Vous m'intriguez souvent aujourd'hui. C'est le thème de la journée, effectivement. Donc, la rue Sainte-Catherine dans le village, elle est piétonne pour tout l'été. Et puis, il y a plusieurs activités qui s'y déroulent. Jeudi, le 24 juillet, à 16h, il y aura une conférence de Pierre Bélec au parc Amherst, qui est situé, comme je l'ai déjà dit, au coin des rues Amherst et Sainte-Catherine. La conférence s'appelle « David Soverdi contre Goliath Asphalt », titre pour le moins accrocheur. Soverdi, la Société de verdissement du Montréal métropolitain, c'est un organisme qui pose des actions pour réduire les îlots de chaleur intenses en milieu urbain par la création d'îlots de fraîcheur buissonnant de verdure. Le porte-parole de l'organisme, Pierre Bélec, informera les citoyens des méthodes à utiliser et puis des moyens à prendre pour rendre la ville plus verte. C'est le jeudi 24 juillet à 16h au parc Amherst. Il y a deux sites qu'on peut visiter, donc airlibre.com et soverdi.org pour plus de détails. Il y a une conférence sur le commerce équitable. Oui, toujours dans le cadre de la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine au parc Amherst, il y a Maïté Dion-Larouche, conférencière spécialisée dans le domaine du commerce équitable pour équitaires, qui fera découvrir le samedi 26 juillet à 16h ou le lendemain en cas de pluie la portée du commerce équitable et l'importance de nos choix de consommation. Donc la conférencière s'appuiera sur le fruit d'expériences recueillies dans plusieurs pays. Un des buts du commerce équitable, c'est le développement d'une économie responsable et plus juste. Raison de plus pour investir, un petit peu plus de notre temps dans cette activité. Ça se déroule le samedi 26 juillet à 16h au parc Amherst. C'est malheureusement tout le temps qui nous reste pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on fera les autres activités du calendrier. Alors, merci Dominique Raté, qui est responsable de la chronique Roulée à vélo et qui aujourd'hui a pris part au calendrier. Merci à Didier Achetal, qui a été notre technicien aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. C'était Nicolas Gendron pour Allô la Terre, ici Radio Montréal.